هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. بحول الله عز وجل، on continue et on est arrivé au cours 6 de cette série sur les règles de التجويد, sur la science du التجويد, علم التجويد. بحول الله عز وجل, si tout se passe bien, وبالله التوفيق, inshallah ta'ala, à part ce cours, il nous restera deux cours, au maximum trois, mais je pense deux, ça suffira, inshallah, pour clôturer cette série de huit cours, je pense, ou neuf cours au plus, inshallah ta'ala. Et on était arrivé au chapitre concernant les moudoud. Les moudoud, donc, on avait commencé à en parler. Donc, tout ce qui concerne les prolongations. Et avant de rentrer dans les détails concernant les moudoud, les prolongations, dans l'ordre de la récitation et les différentes prolongations, inshallah ta'ala, je voudrais faire ici une petite introduction, ou alors je voudrais faire un petit arrêt sur un sujet, d'accord, j'ai trouvé le mieux de le traiter ici lors de cette introduction aux règles de Moudoud. Vous allez comprendre pourquoi. Ce sujet-là concerne ce qu'on appelle al-maqamat. Al-maqamat, ici certains en ont fait une science. Certaines personnes en ont fait une science. Certaines personnes ici sont tellement rentrées dans l'excès, al-ghulou, l'exagération, dans ce qu'on appelle al-maqamat, qu'ils en ont fait une science et qu'ils s'en préoccupent tellement qu'ils ont délaissé ce qu'il y a de plus important lors de la lecture d'Al-Qur'an al-Karim et lors de l'écoute d'Al-Qur'an al-Karim, qui est at-tadabbur, la méditation. Pourquoi? Parce qu'ils se sont concentrés ici avec excès, et ils sont rentrés avec excès dans ce qu'on appelle al-maqamat. Et ils en ont fait une science, donc certains l'appellent ilmul maqamat, la science de al-maqamat. Al-maqamat, ici, peut être traduit par mélodie. Donc ici, ça peut être traduit, si on veut, hein, traduction approximative, par mélodie. Et donc ici, ils utilisent des textes pour légiférer, donc ce qu'on appelle al-maqamat lors de la lecture, عند القراءة, lors de la lecture du Coran. Donc ils ont utilisé le texte. Il y a plusieurs textes dans ce chapitre concernant le fait d'embellir sa voix. D'accord? Ici, le fait d'embellir sa voix lors de la récitation du Coran, c'est demandé. Et le prophète alayhi salatu wassalam, ici, l'a recommandé et l'a demandé dans plusieurs textes prophétiques. Wa min hadhihi al-ahadith, le hadith authentique qui est très connu et qu'ils utilisent beaucoup pour légiférer l'excès dans al-maqamat, ou ce qu'on appelle al-maqamat. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud, bi sanadin hasan, man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Donc ici, avec une traduction approximative, celui qui ne chante pas al Qur'an, il n'est pas des nôtres. Man lam yataghanna al Qur'an. Al ulama, ils ont expliqué c'est quoi ce terme. D'accord? Yataghanna, man lam yataghanna. D'accord? Ce terme qu'on pourrait traduire littéralement par chanter. D'accord? Embellir sa voix, ici c'est le fait de réciter à voix haute en ayant ici une belle voix et en s'appliquant quant au fait de le réciter en ayant une belle voix. Mais ils utilisent ce texte-là, certains, et d'autres textes pour dire quelque part, vous connaissez le proverbe, hein, tous les coups sont permis. D'accord? Tout est permis, khlas. À partir du moment où le prophète a dit « Man lam yataghanna al-Qur'an falaysa minna », celui qui ne chante pas le Qur'an, il n'est pas des notes. Donc, le fait d'embellir sa voix, peu importe comment, donc pour certains, hein, et d'autres vont pas autant dans l'excès, mais ils restent quelque part égarés, ou alors ils sont tombés dans une chose, le moins qu'on puisse dire, makruh, détestable, d'accord? Ici, ils embellissent leur voix avec exagération, et d'autres, ils partent vraiment à l'excès. peu importe s'il falsifie, ou alors il change, ou il modifie les règles de tajwid, peu importe. Lakin al-muhim, c'est d'embellir sa voix, et pour ici, soi-disant toucher les cœurs. Mais le problème, il se concentre tellement dans l'embellissement de la voix, qu'ils ont délaissé at-tadabbur, la méditation, et ceux qui les écoutent quelquefois, ils se concentrent tellement dans la mélodie, d'accord, et dans le fait, ou alors dans la façon que l'imam ou que le récitateur psalmodie le Coran, qu'ils ont oublié et ils ont délaissé le fait de quoi ? De méditer Al-Qur'an Al-Karim. Leur principal objectif, et les cœurs est plus rattaché, leur cœur est plus rattaché à quoi ? À comment il embellit sa voix. Comment il va ici monter de ton dans certains moments, comment il va baisser de ton dans certains moments, que ce qu'il y a de plus important, at-tadabbur. Alors qu'Allah, il a rappelé dans le Coran Al-Karim l'importance de at-tadabbur. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Donc, ont-ils à ne pas méditer le Coran ou ont-ils dans leur cœur أَقْفَالُهَا, des cadenas dans leur cœur, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Il nous met en garde sur le fait de lire ou d'écouter le Coran sans التدبر. واضح. On va rentrer plus dans les détails. Qu'est-ce que c'est المقامات, ces mélodies-là? Ces mélodies-là ne sont pas une science en soi-même reliée à Al-Qur'an Al-Karim. Faut bien comprendre la chose comme il se doit depuis le début. D'accord, ou à la base. Ce n'est pas une science rattachée au Coran. Ce n'est pas une science légiférée, ilmun shar'i, une science légiférée. D'accord, il n'y a pas eu d'explication dans le Coran, dans la Sunna, de cette science. D'accord, lakin, à la base, al-maqamat, c'est quelquefois, ou chez certains, un terme qu'on a mis en place pour ici... embellir leur action pour cacher un peu la réalité de la chose. Parce que à la base, al-maqamat, cette mélodie-là, ça concerne quoi? Ça concerne la musique, al-ghina, al-musiqa. Ça concerne la musique et les chants. Donc quand on parle de maqamat, de mélodie, d'accord, on parle de mélodie soit à travers des instruments de musique ou à travers la voix. Mais certains ont utilisé cela pour le mettre en application dans la récitation de Al-Qur'an Al-Karim. Et pour justifier cela, ils ont dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: "Man lam yataghanna bil Qur'an fa laysa minna kama ja'a fil hadith alladhi rawahu Abu Dawud bi sanadin hasan. Thumma yaqulun qala Rasulullah ila akhirih." Et ils disent encore, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, sur quoi? Sur at-tazyin. Sur l'embellissement, at-tahsin, l'embellissement de quoi? As-saut, la voix. Et ici, il puise sur la mélodie. Ah, on a dit la mélodie, c'est une science, si on veut. C'est une science. Mais pas légiférée. C'est une science de la musique. Clair? Il puise dans cette science-là pour la mettre en application ici quand il récite Al-Qur'an Al-Karim. Et ils utilisent d'autres textes. Clair? Donc, on retrouve dans cette science-là, pas légiférée, mais cette science-là, de la musique, d'accord, qui, cette science-là, on peut la retrouver soit à travers des instruments de musique, soit à travers la voix, d'accord. Il puise cette science-là d'après différents chants de différentes tribus ou de différentes régions. Et on retrouve cette mélodie-là, même en France, dans n'importe quel pays du monde, et on retrouve même des notes qui, eux, utilisent, et des notes françaises. Vous connaissez tous Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Vous connaissez ou pas? Wadi. D'accord? C'est quoi le principe de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si? C'est quoi le principe? C'est le ton. D'accord? C'est pour avoir des différents tons. Clair? Donc comment il les récite? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. C'est comme ça. Donc pour monter de ton, il commence à Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Vous connaissez? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et eux, ils prennent la même règle. La même. Cette règle-là, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, eux, ils l'utilisent. Et ils le disent. Et il y en a même qui s'assoient dans les premiers rangs. Qui s'assoient dans les premiers rangs. D'accord? Dans les premiers rangs, pas dans les mosquées. Mais dans des concerts où il y avait des chanteuses arabes qui étaient réputés pour leur voix et pour ici les prendre comme référence et les calquer, mais pour mettre en application ici cela dans la récitation du Coran. Et il y en a, ils écoutent de la musique et ils écoutent certaines mélodies, donc à travers des instruments de musique, pour pouvoir s'exercer, pour les mettre en application dans le Coran. Et ils se sont tellement mis dedans qu'ils ont instauré plusieurs règles, plusieurs tons, et ils en font maintenant, quelquefois tu vas entendre une dawra, donc un séminaire sur al-maqamat, sur les mélodies. Et ils en font une science, et ils font des cours, et des cours, et des cours, et des cours sur cette récitation-là. Et vous serez étonné, je ne suis pas là, et je veux pas, et c'est pas mon intérêt, et je ne suis pas au rang et au niveau de le faire, pour citer des noms, mais vous serez étonné si je citerai des noms de récitateurs connus qui rentrent dans ce que je viens de dire là. Et plusieurs. Voilà, que ce n'est pas mon niveau, et ce n'est pas ici ma façon de faire de toute façon. Ici, c'est pas à moi de le faire, de citer les noms. Mais il y en a plein des récitateurs très connus qui le font et qui rentrent dans ce qu'on appelle al-maqamat, et souvent à l'excès. D'accord? Et souvent à l'excès. Et le fait de rentrer à l'excès, il suffit de dire que la personne, elle la considère comme une science. Et que cette personne-là écoute des cours et des cours et des cours sur cela. Il suffit simplement pour montrer, hein, et on va apporter des preuves. Parce que ça, c'est une chose très importante. Ici, il suffit simplement de montrer des exemples connus et concrets et des paroles de ces gens-là, de ces qurra, récitateurs, très connus, contemporains, ici pour montrer que c'est un excès. Ici, ta'ajjabtu lamma sami'tu anna shaykh Sa'id al-Ghamidi. Sa'id al-Ghamidi, ici, il est connu, Sa'id al-Ghamidi. Tout le monde le connaît, c'est un récitateur très connu. Et ici, il a été interrogé sur cette science-là et sur ce qu'on appelle al-maqamat. Il a dit, wallahi la a'lamu shay. Fi hadha al-bab wa fi hadha al-ilm wa fi hadha, yani la a'lamu shay. Sur ça, sur cette science-là ou sur cette porte-là, ce chapitre-là ou sur cette chose-là, je connais rien du tout. Et je n'ai jamais rien appris sur cela. Et je ne connais aucune règle sur cela. Et je ne connais rien et je ne cautionne même pas et je n'approuve même pas cela. Et pourtant, regardez. Sa'id al-Ghamidi, ici, c'est la personne, al-Qari, ici, qui a vendu, ou parmi les qurra qui ont vendu, d'accord, c'est-à-dire, entre guillemets, hein, leurs CD, leurs récitations, etc., leurs cassettes, etc., ont été le plus vendus dans le monde. Donc, ça veut dire que c'est les récitations qui font partie des récitations les plus aimées et appréciées dans le monde. Donc, je parle, hein, bien sûr, à notre époque. Avec cela, qu'est-ce qu'il dit concernant cette science-là? Il dit, je la connais pas. Je n'ai jamais étudié cela et je n'approuve pas du tout cela. Et il dit, ce qui est triste, c'est que les gens en ont fait des séminaires et en ont fait des cours, alors qu'il aurait été meilleur pour eux de se consacrer à des cours de tajwid, de méditation, d'explication du Coran et la akhira. Ça, c'est pourquoi je vous le dis ça. Pour vous dire simplement qu'on n'a pas besoin de cette science pour toucher les cœurs. Et on n'a pas besoin de cette science pour être apprécié lors de notre récitation. Un des plus connus, une récitation parmi les plus répandues au jour d'aujourd'hui, ce récitateur-là, il dit, je ne connais rien de cette science-là, je la connais même pas, et je n'approuve même pas cette science-là, et ça me désole de voir qu'il y a des gens rentrent dans les détails, et dans l'excès, dans ces choses-là, al-maqamat, les mélodies. Donc lui, il connaît même pas ça. Comment des gens, ils vont arriver, ils vont en faire une science? Quelqu'un va me dire, oui, mais c'est pas une preuve. Bah, déjà, savoir que c'est un récitateur très connu, et sa récitation est approuvée par des millions de personnes et même des savants de la lecture et de at-tajwid, c'est déjà quelque part un argument. Mais continuons. Quand on regarde al-a'imma, les imams, les grands imams, al-kibar, et quand on regarde al-ulama, et quand on si on regarde leurs paroles concernant al-maqamat, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, l'imam Ahmad رحمه الله تعالى ابن حجر رحمه الله تعالى الإمام النووي qui ces hadiths là on les retrouve dans Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi, ce grand imam ici qui a réuni plusieurs hadiths, et parmi ces hadiths là ce hadith que je viens de suivre, que je viens de citer, l'imam al-Nawawi, il a akhiri beaucoup de grands savants, ça je parle des anciens, Ici, ils ont soit détesté, soit interdit strictement al-maqamat. Déjà, on parle avec al-ulama, on dit. Parmi les savants, il y a ces savants-là qui, soit ils ont détesté, ou soit ils ont interdit, mutlaqan, ici, dans l'absolu, de façon totale, claire, ici, al-maqamat. Donc après, des gens vont nous dire, oui, mais non, mais c'est quelque chose de bien. Nous disons que, un, il n'y a aucune preuve pour nous dire que c'est une science reliée au Coran, une science légiférée. Deux, al-ulama, voici leurs paroles. Bien qu'il n'y a pas ijma', après, il faut savoir qu'est-ce qu'ils comprennent comme, les gens d'aujourd'hui, comme maqamat. Et même ceux qui avaient autorisé, ici, c'est avec des conditions très strictes. Je ne parle même pas de ceux qui rentrent dans le maqamat, les mélodies, et qui changent les règles de tajwid, ou qui n'appliquent pas les règles de tajwid, ou qui changent le sens du Coran, ou qui rajoutent des moudoud, des prolongations où il ne faut pas, ou etc. Ça, je parle même pas de ça. Je parle même de ceux qui gardent l'application de tajwid, lakin, ils ont mis en application al-maqamat. Ici, certains vont dire, oui, mais nous, on met en application le maqamat, d'accord, cette mélodie-là, mais on applique les règles de tajwid. Et ce que détestent les savants, c'est que les gens sont arrivés à un stade où ils se concentrent plus dans la mélodie que dans le sens du Coran. Et c'est la mélodie qui fait vibrer plus leur cœur que le sens que renferment ces versets coraniques. Ils disent donc, nous, on n'est pas de cela. Nous, on s'efforce à se concentrer dans At-Tadabbur. Lakin, le problème, ya Abdallah, c'est que tu as ouvert une porte. Et cette porte-là, pour la fermer, c'est très difficile. La preuve, au jour d'aujourd'hui, combien de jeunes dans le monde et dans les pays musulmans qui se sont concentrés et qui se sont accrochés à cette soi-disant, hein, cette science, soi-disant ce ilm-là. Et ils se concentrent, et ils font des séminaires, et ils font des cours, et ils font des formations que sur le maqamat. Donc c'est-à-dire sur le fait de jouer avec sa voix. Et le problème, c'est que certains ont dit même, ils avaient peut-être une bonne intention, mais ils ont dit, mais nous, non, on a compris qu'il faut pas dépasser les limites, c'est-à-dire il faut se concentrer plus sur At-Tadabbur. Ça veut dire que quand moi je récite, ici moi je me concentre dans, ici, le sens du Coran, dans les paroles d'Allah, dans Kalamullahi Azza wa Jal, lakin ceux qui écoutent, ceux qui sont derrière, peut-être Obama c'est un jahil, c'est un ignorant, c'est quelqu'un qui... Et le problème, c'est qu'il va se concentrer tellement dans la mélodie qu'il ne va même plus faire attention à quoi ? Au sens du Coran et aux paroles d'Allah Azza wa Jal. Lui, ce qui va le toucher le plus, c'est ta belle voix accompagnée de cette mélodie et le fait que tu joues avec les tons, c'est ça qui va le toucher. Comme un chanteur peut faire vibrer ton cœur parce qu'il a une superbe voix. Hein ? Comme un chanteur. Mourani. Ici, il va chanter, il a une belle voix. Et ici, tellement qu'il a une belle voix, qu'il joue avec les tons, qu'il y a des cœurs qui tremblent, qui vibrent. Donc là, on parle plus de, là, on parle de simplement la mélodie, la voix. Et regardez, ils prennent le même principe, c'est pour ça que beaucoup les calquent. Et le moins qu'on puisse dire, même s'ils les calquent pas, c'est-à-dire en disant, ce chanteur, je vais l'écouter et je vais l'imiter. Non! Mais leur méthode, ils la calquent. Leur façon de mettre en application ces mélodies-là, ils la calquent. Et tu vois ici les mêmes intonations, si on peut appeler ça comme ça. Ici, comment ils jouent avec leur voix? Eh ben, tu retrouves des chanteurs qui jouent de la même manière avec leur voix. Si des gens disent maintenant, mais comment je vais retrouver ici celui qui met en application al-maqamat, Alexé, celui qui ne le met pas? Sache une chose. C'est que ta récitation, tu te dois de l'embellir. Awalan. Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam nous l'a dit. Clair? Mais on répète encore la même phrase. Si on veut rester sur al-wasatiyya, la buddha an-najma' bayna an-nusus. Il faut qu'on réunisse entre les textes. Qu'on réunisse ici aussi tous les textes. Et qu'on les compare l'un avec l'autre. Et c'est pas nous qui le faisons, c'est l'ulama. Donc ne travaille pas qu'avec un texte. Dans un texte rapporté par, Ibn Majah ou Abu Daoud. Ibn Majah, je pense, hein. Ici, bisanadin Hassan. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que il viendra une époque où il y aura des gens qui vont présider, d'accord, la prière pour d'autres. et ils vont chanter Al-Qur'an. Et dans plusieurs hadiths, même le prophète Al-Islam parle des signes de la fin des temps, il parle de ceux qui vont chanter Al-Qur'an. Ah, donc on a chanté, chanté. Ah, mais il te montre. Il y a chanté, chanté. Quelle compréhension t'as du terme chanté? Le fait de réciter le Coran, écoute bien, en exagérant, avec, si tu veux, de l'artifice, en te forçant à embellir ta voix d'une façon qui est exagérée, de sorte que tu rentres dans ce qu'on appelle al-maqamat, ici des mélodies qui sont semblables à des récitateurs ou à des chanteurs et des chanteuses, ici à ce moment-là c'est un excès. Al-Qur'an, il doit être fluide, bayna qawsayn, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir d'excès. Tu peux embellir ta voix, lakin, Allah Jalla wa Ala, il donne ici un risque à qui il veut. Et avoir une belle voix, c'est un risque aussi. Donc peut-être qu'Allah Jalla wa Ala, Allah Azza wa Jalla, certainement, il donne à certaines personnes des plus belles voix que d'autres personnes. D'accord? Et ici, ce qui t'est demandé, c'est d'embellir ta voix. Donc c'est pas de réciter de façon monotone. Par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki. Non, embellis-la. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. De façon, ici, naturelle. Si Allah Jalla wa Ala t'a donné une belle voix, Alhamdulillah, hada min fadlillahi Azza wa Jal, sans exagérer, tu vas voir que tu auras une super belle voix sans rentrer dans le maqamat. Ici, on voit l'exemple de qui? Sa'd al-Ghamidi. Est-ce que quand il récite Billahi alaykum, est-ce qu'on sent qu'il se force? Est-ce qu'on sent que vraiment, subhanallah, c'est fluide? Sa récitation, elle est vraiment naturelle. On le sent ou pas? On voit vraiment, Sa'd al-Ghamidi, il a une récitation très naturelle, wa la nuzaki ala Allah ahada. Lakin sa voix, elle est magnifique. Tabarakallah. Allahumma barik. Et elle est aimée, et c'est une des voix la plus aimée dans la récitation du Coran dans le monde au jour d'aujourd'hui. Et pourtant, quand on lui pose la question, il dit, je n'ai jamais entendu parler de cette science-là dans l'état, je n'ai jamais étudié, je ne l'apprécie pas. Subhanallah, il est lui là, il connaît pas, toi, tu connais une science que des grands qurra qui sont approuvés par des savants de tajwid, ils reconnaissent. Ça c'est ajib. Et parmi les contemporains, beaucoup ont détesté, ont dit que ça c'est une porte qu'on doit fermer obligatoirement. Parmi eux, le grand shir de tajwid, shir Ayman. Lui qui déteste ce qu'on appelle al-maqamat, il est archi contre. Et il condamne, et il ne cesse de lutter pour arrêter et fermer cette porte-là. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans beaucoup de qanawat, dans beaucoup de chaînes télévisées islamiques, malheureusement, ils mettent en avant cette science-là, bayna qawsayn entre guillemets, et ils poussent les jeunes qui sont rentrés dans ces études-là, ou alors dans des séminaires, ou dans des formations, à se présenter, à réciter. Et tu vois plein de jeunes qui récitent, et avec beaucoup al-maqamat, et quelquefois, et souvent à l'excès, et pourtant ils ont des magnifiques voix, et pourtant, ils connaissent, ils sont hafid, il a appris le Coran al-Karim par cœur, kamil. Et peut-être, il va même appliquer toutes les règles de tajwid, il va même pas déformer les règles de tajwid, lakin tu vas sentir une exagération. Et ça, tu les vois. Et il commence à, ici, mettre en application le do, ré, mi, fa, sol, la, si. D'accord? Là, je dis à Abraham, moi, c'est do, ré, mi, fa, sol. Pourquoi je le dis? Parce que vous allez le retrouver. Et vous allez voir, il commence avec une voix grave, après il monte, et après il redescend, et il va te dire, bah tiens, tu peux faire cette récitation? Tiens, je vais te faire une autre récitation maintenant. Et il va te faire une autre récitation. Tiens, maintenant je vais te faire une troisième récitation. Et tu vas voir dans les trois récitations déjà, ils sont totalement différentes. Et en plus de ça, dans chacune des récitations, il a joué avec le ton. À monter, descendre. Ça, agib ça. C'est quoi ça? Ça rentre dans certains cas, chanter le Coran. Ce que le prophète, alayhi salatu wasalam, je parle du fait de chanter, ce qui a été interdit formellement. Le fait ici de jouer avec le Coran al-Karim. Certains sont rentrés dans le fait de jouer avec le Coran al-Karim. Et ils ont oublié peut-être que c'est kalamullah. C'est la parole d'Allah. Comment ça? Toi tu tapes ici, ne serait-ce que dans Internet, al-maqamat, et tu vas voir dans combien de sites, dans combien de vidéos tu vas tomber. Il y aura écrit le titre, hein, al-maqamat. Mais ça va parler de quoi? De mélodie, de chant, de musique. Al-maqamat. C'est pareil, c'est une science. Et eux, ils la mettent en application pour réciter, quoi? Kalamullah, la parole d'Allah Azza wa Jal. Et ils rentrent dans l'excès. Ah, mais le prophète alayhi salam, il a dit, man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Celui qui ne chante pas le Qur'an, il faut embellir sa voix, et il faut sa ikhlas, c'est authentique qu'on s'arrête là. Ya ibad Allah, là vous allez ouvrir une porte, Allah al-musta'an. Déjà les cœurs sont malades, illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah il a fait miséricorde. Mais les cœurs sont beaucoup malades. Et regardez la preuve, les gens ils ont du mal à se détacher. De quoi? De la musique. Toi tu vas commencer à ouvrir cette porte de mélodie dans le Coran al-Karim. Ajib. Et après les gens ils mettent n'importe qui ici pour réciter le Coran tant que c'est une belle mélodie. Oh, il a une belle voix. Mais tu as oublié que le prophète alayhi salatu wassalam, ya Abdallah, quand il a parlé de l'Khawarij, il a dit quoi concernant leurs actes d'adoration, concernant leur récitation d'Al Qur'an al-Karim, concernant, il te rappelle le prophète alayhi salatu wassalam que ça sera meilleur que toi. Leurs actes d'adoration sera meilleur que les vôtres. Ils réciteront le Qur'an al-Karim, masha'Allah, tabarakallah, il n'y a pas de problème dans la récitation en elle-même. Lakin, le problème, elle ne dépassera pas quoi? Hein? Elle dépassera pas leur gosier, au kamaqal alayhi salatu wassalam. Pour montrer que, ici, il n'y aura pas d'application. Il n'y aura pas, il y a que de la théorie. Et c'est pas le tout d'avoir une belle voix. Là, c'est quoi le but principal? Allah Azza wa Jalla dit, c'est un livre béni qu'on a descendu sur toi, liyadabbaru ayati. Pour qu'il médite ces versets. Le but principal pour lequel Al-Qur'an il a été révélé, c'est pour méditer les versets, pas pour méditer la mélodie. Et ça, c'est quelque chose ici, yani, dont il faut faire très attention. Il y a une différence entre méditer et ressentir al-khushu', l'humilité, parce que la personne joue avec sa voix, et méditer parce que tu as compris al-Qur'an al-Karim. Amma, c'est sûr, et ça c'est une réalité. Le fait que quelqu'un récite avec une belle voix, ça, et bien sûr en appliquant les règles de Tajwid, ça aura sûrement plus d'impact sur toi qui écoute que si tu écoutais une personne qui, bien qu'il applique les règles de Tajwid, mais il n'a pas une belle voix. Ça, on est d'accord. Donc ça, c'est un moyen qui va te permettre, d'accord, le fait d'embellir ta voix, de te concentrer plus dans l'écoute du Coran. D'accord? Lakin, arrivé à un stade où tu joues tellement avec ta voix que tu ne facilites pas à la personne qui t'écoute de se concentrer plus dans les paroles d'Allah et dans ce que renferme le Coran al-Karim, mais dans ta voix à toi et dans ta mélodie, là, c'est un égarement, c'est une erreur. Et les gens maintenant, leur foi elle augmente et ils se sentent mieux, ils sentent plus d'humilité quand la personne elle joue plus avec sa voix. Ajib. Et quand elle baisse de ton, non, ça y est, ça descend. C'est quoi ça? C'est même pas le verset coranique qui, oh subhanallah, regarde, Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Asbab al-Nuzul qui, il voyage à travers le Coran al-Karim, il voyage à travers le tafsir, il voyage, non! Et parce que la voix, la belle voix, ça aide. Et là, il n'y a pas de mal. Ici, à embellir. Non, c'est demander d'embellir sa voix. D'accord? C'est demander d'embellir sa voix. Lakin, nous disons encore, sans excès. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès. Et comme ils disent, certains, même d'eux, hein, qui utilisent ça, ils disent, on s'inspire des différents chants utilisés dans différentes régions. On s'inspire de différents chants, ici, utilisés dans différentes régions. Par exemple, quand des gens vont être dans une contrée, et là-bas, dans cette contrée, il y aura différents chants qui sont connus et répandus, aimés des gens, eh ben, ils vont essayer de s'influencer, ils vont se laisser influencer par ces chants-là. D'accord? Parce que ces chants-là sont répandus dans leur région. Et ils vont s'imprégner de ces chants-là pour, ah, par contre, cette technique-là, leur mélodie, la mettre en application dans la récitation du Coran. Ajib. Qui l'a fait ça? Subhanallah. Aslan, ici, fi shar'a, dans la législation, al-musiqa wal-rina haram. C'est interdit. Et souvent, ceux qui font comme ça, va les voir après quand ils parlent de musique. Souvent, tu vas voir des gens comme ça. Pour eux, la musique, c'est rien du tout. Ah, ils vont dire, oui, des musiques où on insulte, mais les musiques douces, comme, est-ce qu'il est récitateur, là, de connu? Les musiques douces, là, les symphoniques, Mozart et compagnie. Ah, ils disent, il y en a plein des musulmans. Ils disent, non, ça, c'est des musiques comme Mozart, etc. Ah, il y a plein. Hein. Je n'entrerai pas pour citer des noms, même de certaines personnes, prédicateurs, et, d'accord, qui passent à la télé. Ils disent, non, des gens, ils citent les noms, Mozart et autres, il n'y a pas de mal, parce que ça, c'est des musiques qui reposent l'esprit. Alors, ce qui est interdit, ici, dans la musique, c'est ce qui excite. C'est ce qui va exciter. Allah Jalla wa Ala dit, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. Allah Azza wa Jalla dit, à Shaitan excite ceux d'entre eux que tu pourras avec ta voix. Donc, ce qui est visé, ici, pourquoi la raison principale, pourquoi c'est interdit à la musique, ça excite. Mais ça, ça excite pas, ça calme. Ça repose, regarde, tu écoutes, ça repose. Ça repose le corps, l'âme, tout. Donc c'est pas grave, Moussa. Et ça, c'est les gens de Sekin qui sont rentrés dans l'exagération. Et ils ont oublié qu'Allah, il a dit, ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaytan. Ne suivez pas les pas de shaytan. Ici, le shaytan, il va pas te prendre d'un coup, il va khutuwa. Ici, un pas, khalas, il t'a eu un autre pas, petit à petit, ne suivez pas les pas du diable. Il n'a pas dit ne suivez pas shaytan. Donc, il faut faire attention à ça et ne pas rentrer dans l'excès concernant ici cette science-là qui est ilmul musiqa. On peut l'appeler comme ça. La science de la musique. Et ici, on pourra en parler longuement. Lakin, ici, il y a des aqwal et certains vont dire oui, mais non, tel a autorisé, tel a dit avec des conditions telles. Nous disons, comme on dit, al-ulama, les gens de science, fermez cette porte-là. Parce que déjà, il faut déjà savoir la personne et trouver la personne qui applique. Le fait d'appliquer, de mettre en application al-maqamat, sans modifier la règle de tajwid, sans ici être dépassé par la mélodie jusqu'à ce qu'il n'est plus concentré dans le sens du Coran et qu'il arrive à, et ce qui est quasiment impossible, à pousser les gens à ne pas se concentrer plus dans sa mélodie que dans les sens du verset du Coran ou des sens des versets du Coran. C'est quasiment impossible. Et en plus, il y a plein de conditions. Donc pour cela, fermez la porte. Al-Qur'an, alhamdoulilah, il y a des règles, et c'est pour ça que je voulais le citer en introduction ici, où, ici, il n'y a pas de mal que ta voix soit embellie, surtout quand il y a les moudouds, les prolongations. Il y a des temps de deux temps, il y a des prolongations de deux temps, de quatre temps, quelquefois de six temps. D'accord? Ça, il n'y a pas de mal d'embellir sa voix. Mais le fait de faire rentrer une mélodie, de jouer, Subhanallah, comme si tu faisais du do ré mi fa sol la si, c'est quoi ça? Et après tu redescends, ou alors tu fais trembler ta voix quand il y a un mud. Ça c'est des choses qui sont pas claires, qui sont pas naturelles, c'est de l'exagération, tu te forces, c'est de l'artifice. Wadih, vous avez compris ici ou pas? Vous comprenez c'est quoi le maqamat maintenant? Clair? Et ici je veux pas citer de nom. D'accord? Lakin, ici, vous pouvez voir des gens qui ont même reçu des critiques. D'accord? Des gens placés pour le faire. D'accord? Moi, je suis pas, lestu, yani, bi'alim, lestu aliman, wa lestu mufti, wa lestu sheikh, wa lestu, je le dis, je le répète. Nahnu nubellir, ici, bi qadri mastata'na. Ici, on transmet par rapport à, selon nos capacités, et ici, il y a des gens qui sont placés, ils ont le niveau pour mettre en garde. D'accord? Comme celui qui veut mettre en garde quelqu'un par rapport à la science, ou par rapport à son minhaj, voilà. Ça, c'est des gens qui ont le niveau. C'est al-ulama. C'est pas les rigolos et les guignols, excusez-moi du terme, qu'on voit au jour d'aujourd'hui sur les sites internet et qui disent « Je m'en garde sur Foulen, je m'en garde, t'es qui toi ?» Subhanallah, t'as même pas peut-être appris Juz Amma sans faire d'erreur et peut-être on te pose une question de le faire et on te dit « Donne-moi juste cinq paroles de savants, anciens et contemporains, tu sais pas dire » et toi tu dis « Je mets en garde ». Ça c'est « Makan al-ulama ». Ça c'est la place des savants. Ils veulent mettre en garde, ils citent les noms, ça on rentre dans « Jarh wa ta'dil ». Des gens qui ont la capacité de la mettre en application et qui connaissent toutes les règles de jarh wa ta'dil, qui moi je les connais pas dans les détails, comme ceux qui mettent en garde au jour d'aujourd'hui, particulièrement en France, ne les connaissent pas. On parle pas de ces rigolos-là et ces gens-là qui jouent avec din. Au nom d'Allah et de son messager, wal'iyadu billah. Ça c'est des innovateurs. Ceux-là ce sont des innovateurs. Parce que ici, ils apportent une chose, d'accord, qui le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait et n'a pas autorisé de faire ici et il n'a pas donné l'autorisation à des gens qui avaient un petit degré de science de faire. C'est des innovations, ça, c'est des innovateurs. Nous disons, al-ulama, un alim, il vient, et il cite mon nom à moi. Je ne vais pas perdre son temps avec un petit comme moi. Mais il cite le nom à un chirou. Mais tu me dis, c'est un savant. Un alim, min al-ulama, min al-kibar. Ah, d'accord, il cite le nom, c'est son niveau. S'il s'est trompé, il a quand même un âge. S'il a fait bon, il a deux récompenses. Un alim. Toi, t'es qui, toi? Et moi, je suis qui? Et nous, on est qui? Chacun reste à sa place. Comme moi, là, je dis, les erreurs, ça, c'est, on doit le faire. D'accord? Et ça, on parle avec les paroles des gens de science. Amma, citer les noms, dire foulen, foulen, foulen, et surtout ouvertement, ça, c'est pas notre problème. Amma, allez voir ce que disent les ulama sur ces gens-là, et sur les qurra qui sont répondus et connus, mais qui rentrent, dans ces erreurs-là, et peut-être vous serez étonnés, lakin, ceux-là, ils sont, cités, leurs noms sont cités par des gens qui ont, le mérite, et qui ont le niveau pour les citer. Wadih. Concernant les règles de prolongation, d'accord? Donc maintenant on va parler des moudoud, sans exagération, en embellissant la voix, mais sans rentrer dans le maqamat. Vous avez compris la mélodie en exagérant, en faisant des jeux avec la voix, alors qu'il n'y a pas lieu de les faire en exagérant. Ici, on va parler des moudoud, donc des prolongations. Et on avait dit que dans la langue arabe, on appelle mad ce que l'on définit par ajout. D'accord? C'est un ajout. Et au niveau du tajwid, il s'agit de prolonger le son de la voix lorsque l'on prononce la lettre concernée. Il y a des lettres ici qui, quand les arabes, c'est une science en soi-même. Et c'est un argument en soi-même le fait de dire pourquoi les arabes le faisaient. Pourquoi on a dit parce que ça, c'est de là que sortent les règles de tajwid. Les arabes, ils parlaient comme ça avec les règles de tajwid. Prophète alayhi salam, c'était naturel. Ils étaient très, très extrêmement forts dans la langue arabe. Jusqu'à ce que quand ils parlaient avec les règles de tajwid. Ils avaient des makharij al-huruf, c'était de façon excellente qu'ils les sortaient. Donc ici, quand ils prononçaient certaines lettres, d'accord? Donc ici, il y avait des prolongations, des ajouts. Et les prolongations, ou alors les moudoud, d'accord, jam'u mad, sont classées en deux catégories, qui sont elles-mêmes divisées en 10 sous-catégories. Donc on va parler de deux grandes catégories. Il y aura deux grandes catégories, d'accord, deux grands titres. Et chaque titre, chaque catégorie, elle va, ici, il y aura des sous-catégories, d'accord. Donc il y a la première catégorie qui est al-maddul asli. Al-maddul asli. Donc ce qu'on comprend par l'allongement principal. Clair? Et il y aura al-maddul far'i. D'accord? Al-maddul far'i, ce qu'on peut dire en français, hein, traduction approximative, l'allongement ici spécifique. Wadih? L'allongement spécifique. Donc on a ici les voyelles qui sont al-alif. D'accord? Al-waw et al-ya. Quand on a al-alif qui est précédé d'une consonne portant la voyelle brève a. D'accord? Al-alif. D'accord? Qui est précédé d'une consonne portant la voyelle brève a. Et ça, on va le voir, inshallah, dans les détails. Il y a le waw qui est toujours précédé d'une consonne portant la voyelle brève dhamma. Et le ya, qui est toujours précédé d'une consonne portant la voyelle brève, kasra. D'accord? Donc là, maintenant, on va parler, bi'idhnillahi azza wa jal, des différents types de longues voyelles. D'accord? Ma anwa'u al-mad. Et on a, comme on a dit, les deux grands titres. Al-maddu al-asli et al-maddu al-far'i. Wadih? Al-maddu al-asli. Donc ça, c'est le premier type. D'accord? La première catégorie, si on veut, l'allongement principal. Il accompagne naturellement les consonnes et il n'est pas lié à une cause extérieure particulière telle que la présence d'une hamza. Ça, on le verra avec al-maddul far'i. C'est-à-dire, on va pas faire d'ajout parce qu'il y a une hamza. Ça, on parle pas de la hamza là. D'accord? Ou l'absence de voyelle sur une autre consonne. La durée de ce type de voyelle longue équivaut à deux fois une voyelle brève. Donc c'est harakatan, c'est deux temps. Wadih? Et ici, cette catégorie renferme quatre types d'allongement. Donc on a le premier grand titre, al-maddul asli. Et ici, il renferme quatre catégories. Ce qu'on appelle al-maddul tabi'i. D'accord? Al-maddul al-badal. Maddul badal. On a al-maddul iwad. Et on a maddu as-silatu as-sughra. Maddu as-silatu as-sughra. Al-maddu at-tabi'i, c'est l'allongement tabi'i, naturel. Clair? Al-maddu al-badal, c'est l'allongement précédé. Avant, il y a une hamza. On va le voir ça, inshallah. Il y a maddu al-iwad, c'est l'allongement substitutif. Et il y a maddu sila as-sughra, c'est l'allongement relatif. Clair? Ça, c'est ce qu'on va expliquer. Il y a le grand titre et il y a les quatre catégories qui font partie de cette première partie. Maddu al-asli. Maintenant, et ça on va l'expliquer dans les détails. Maintenant, on a la deuxième partie qui est ici maddu far'i. Al-maddu al-far'i ici, c'est ce qu'on a dit, l'allongement spécifique. Ça, c'est le deuxième la deuxième grande partie ou le deuxième grand titre. D'accord ? Il concerne tout allongement, d'accord, provoqué par la présence d'une hamza. Ça, c'est des allongements pas naturels qui n'interviennent pas parce qu'il y a une hamza. Non. Ici, parce qu'il n'y a pas de hamza. Ici, sans qu'il y ait une hamza plutôt. Ici, ça, c'est parce qu'il y a une hamza. Il y a la hamza qui va faire que voilà, khlas. On va mettre en application certains ajouts. Regardez. Cette catégorie, contrairement à l'autre qui renferme quatre catégories, d'accord, la première partie. La deuxième partie, elle renferme cinq catégories. D'accord, quand on parle de cinq catégories, c'est-à-dire cinq allongements différents. Il y a al-maddul wajibul muttasil. D'accord, ce qu'on traduit par l'allongement suivi d'une hamza à l'intérieur d'un même mot. D'accord, al-muttasil, c'est à l'intérieur d'un même mot. Il est suivi d'une hamza, mais c'est dans le même mot. Mais on va voir tout ça dans les détails. Hein. Il y a al-maddul ja'izul munfasil. Il y a ici l'allongement suivi d'une hamza au début du mot suivant. D'accord ? Le premier, al-muttasil, c'est dans le même mot. L'al-munfasil, c'est dans le mot différent, il y a la hamza. D'accord ? Donc là, ce qui joue ici dans cette partie-là, al-maddul far'i, c'est la hamza. D'accord ? Il y a ce qu'on appelle al-maddul lazim. Donc, c'est l'allongement ici suivi d'une consonne renforcée, une shadda. D'accord ? Là, ça, on va voir que l'importance de ce mad, c'est-à-dire qu'il est obligatoire. Ici, ça clignote. Hein. C'est normal ? C'est pas la pile ? Wadih ? De toute façon, il y a Cubase. Hein. Khalas. Il y a donc maddul lazim, on le verra. Il y a maddul lin. Maddul lin, l'allongement allégé. Et il y a la cinquième qui est ici al-maddul arid lis-sukun. C'est l'allongement précédent ou précédant une pause. Okay, clair? Ici, par ailleurs, maddul sila appartenant à la catégorie de al-mad al-asli, l'allongement principal se divise en maddul sila al-kubra wa sughra. Et ça, on va le voir bi-idhnillahi azza wa jal. Donc là maintenant on reprend, maintenant ça je vous ai résumé, hein, les deux grands chapitres avec les sous-catégories. Les deux grands chapitres, le premier c'est quoi? Al-maddu al-asli. Et le deuxième, al-maddu al-far'i. Ensuite il y a pour le far'i 5 allongements et pour al-asli 4 allongements. C'est clair? Maintenant on peut se permettre de reprendre ici en expliquant. Donc on est dans le chapitre de Maddul Asli. Maddul Asli, ici, c'est-à-dire l'allongement principal. Il renferme 4 allongements différents. Et on a d'abord Maddu, ici, At-Tabi'i. Donc c'est l'allongement naturel. Claire, c'est l'allongement ici qui est naturel. Ici, bi-ibnillahi azza wa jal, on va s'arrêter là pour qu'on puisse finir d'un coup les moudouds. Je pensais qu'on allait le finir, normalement on devait le finir, c'était prévu de le finir aujourd'hui, lakin, il y a eu cette introduction concernant al-maqamat qui fait que ça a pris du temps. Donc maintenant, pour pas couper quand je vais rentrer dans l'explication, inshallah ta'ala, vaut mieux que vous gardiez ici dans vos têtes ce que je viens de dire, c'est-à-dire les deux grandes catégories ou chapitres, d'accord, avec les sous-catégories. Et bi-idhnillahi azza wa jal, sachez que le prochain cours, on va les expliquer. D'accord? Tous ces allongements. Ceux qui interviennent de façon naturelle, sans qu'il y ait al-hamza, qui vient après l'allongement. Et après, maddul far'i, ceux qui vont être allongés, et qui vont être allongés dû à une hamza. D'accord? Dans certains cas, ou bien autre chose, une shadda dans d'autres cas. Donc ça, bi-idhnillahi azza wa jal, le prochain cours, on voit et on termine les moudoud. Et à part les moudoud, il nous restera al-qalqala, il nous restera al-ra, et je pense qu'il nous restera encore une règle, mais inshallah ta'ala bi-idhnillah, deux cours, trois cours, mashallah, inshallah, et on aura, inshallah ta'ala, et on aura terminé cette série. Wallahu ta'ala, a'lamu ahkam, subhanak allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.